La direction de Radio GG tient à prévenir ses auditeurs qu'elle décline toute responsabilité en cas de jingle en bois ou de speech en carton venant de la part de celui qui anime l'émission. Autant dire que c'est pas ce soir que vous serez remboursé. Bonne soirée. Ce soir... C'est moi qui commande. C'est le best-of de Gérard. C'est un double sans fil d'air. Avec un con comme moi, on s'amuse avec un con comme toi, on se fait chier. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. En de bon entendeur, salut. Bon ben... Sur Radio GG. Impeccable. Bonsoir à tous, c'est City Hunter pour vous accompagner ce soir. Vous êtes toujours à l'écoute sur les ondes de Radio GG pour cette nouvelle émission Best Of qui explore les différentes facettes des passages antennes de notre alcoolique préféré. Donc les semaines précédentes, vous avez pu découvrir ou redécouvrir les affrontements entre Gérard et l'équipe, ses joutes verbales avec Christine ou DJ Maxime, ou encore les fameuses lectures de courrier. Et ce soir, donc, nouveau volet de l'univers Gérard, à savoir les réunions pirates. Alors pour ceux qui découvriraient encore encore Gérard, les réunions pirates, eh bien ça consistait pendant un débat ou après un débat de mettre à l'antenne, sans que Gérard le sache, une réunion qui se déroulait selon sa volonté lorsqu'un débat s'était mal passé ou qu'une connerie venait d'être faite. Il convoquait l'équipe ainsi que Max afin de remettre les pendules à l'heure, mais évidemment ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est à l'antenne et donc l'équipe en profite pour se foutre de lui à nouveau. On va donc commencer sans plus attendre cette spéciale réunion pirate avec une réunion d'après-débat où Gérard n'est pas très content car Fildar a balancé à l'antenne le solde de son compte en banque. Oui, Gérard avait un compte en banque, hein, apparemment, je sais pas, à la Banque Nationale du Kosovo peut-être. Et donc évidemment, ça ne lui fait pas plaisir et voici ce que ça donne et on se retrouve juste après. Salut, c'est Ingrid. Moi, en Colombie, avec mes potes les Farc, on écoute Radio GG. Ouais, c'est trop mortel. Enfin non, monsieur les Farc, je vais pas dire ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était le bordel, donc il a pas respecté les règles. Donc, ils sont encore amis. Putain, je vous demande pourtant, hein. Hein? Je vous demande pourtant, hein. Bah ouais. Ouais. Non, mais de toute manière, ça sert à rien, quoi, la réunion, parce que ça a recommencé, alors. Mais non, mais tu te fais pas respecter aussi, peut-être. Mais de toute manière, ils en ont rien à foutre. Mais je vois pas ce qu'il a été parlé des 1 franc sur mon compte, alors que ça te regardait pas, hein. Et j'ai pas dit que t'avais 1 franc sur ton compte. Bah ouais. En roller, En métro, C'est bon, il a repris en plein. Et parce que, ouais, ça, c'est quoi? Ça sert à toi, ça? Ouais, mais ça... Bah mais lui, il me l'a piqué dans mes poches, tout à l'heure. C'est du propre. Ah, c'est vraiment un enculé. Ah, oh là là, mais ça. Après, ouais. Là, c'est moi que tu traites d'enculé, t'as non, vu mais Gérard, ce que tu fais, lui. Qu'est-ce qu'on fait là? Attends. Tu vas où? Non, mais. Quoi? Bah, tu fais quoi là? Toi, tu fermes ta gueule, d'accord? Ta soeur, t'as une pure coupe. Ta gueule! On dirait Tom Cruise. Ta gueule! Parce que si tu veux, demain, je viens foutre ta merde. Bah ouais? Je viens foutre ma merde. Pourquoi vous respectez pas son travail quand même quand il bosse? Hein? Alors, c'est pas à la fin du mois qu'on fait le débat des routiers, ça va être avant. Mais je crois que je vais pas le faire. Parce que c'est quand? Je sais pas, moi. Mais pourquoi? Parce que je pars en vacances. Mais pourquoi vous respectez pas son travail? Non, mais ils en ont rien à foutre. Ils veulent tout saccager quand c'est moi. Mais non, mais au début, ça se passe bien. C'est après, vous devenez... Non, mais de toute manière, ça sert à rien de faire des débats comme ça, à l'improviste. Hein. Mais non, mais on voulait ça faire plaisir... Ça plus rien. On voulait faire plaisir aux auditeurs. Ah ouais, mais... Lui, là, ouais. Il fout sa merde. Lui, il fout sa merde. Il s'amuse à appuyer sur des boutons en entendant des trucs. De manière, la cassette, je veux le savoir. Parce que je vais la réécouter parce que Sandy, elle a enregistré, tu vois. Oh, là, tu l'as dans le cul, mon coco. Là, tu l'as dans le cul parce que Léa prend. On va bien te savoir si tu l'as dit à l'antenne. En plus, c'est même pas... mais je l'ai dit. Ouais, mais tu l'as permis. Déjà, c'est pas 1 franc qu'il y a, c'est 1 franc 23. Déjà. Hein? La minute. Alors, là, on va rigoler parce que je vais réécouter. Quoi? Je sais qu'avec tout ce que ça fait une minute de serveur de cul. Non, mais ça... Non, parce que maintenant, c'est entre nous, mais combien ça se fait en euros? Tu vois? En euros, ça fait rien. Combien il te reste sur ton compte en euros? Combien? 0,19€. 0,19 euros. Ça te fait rire, toi, non? Ça te fait rire, alors. Mais pourquoi vous écoutez pas, quand même, quand tu fais ce qu'il y a? C'est quand même incroyable. De toute manière, ils en ont rien à foutre. Pourquoi? Mais c'est ça, je comprends pas. Pourquoi vous en avez rien à foutre? Ça vous fait chier de bosser avec Gérard, de faire de... Non, mais ils ont... On veut profiter de la radio qui nous donne la possibilité de prendre l'antenne sans prévenir, on peut faire du live, on donne aux auditeurs des fois de l'antenne sans qu'ils soient au courant, donc c'est vraiment du... Tu vois, c'est quand même Gérard se déplace, il fait l'effort de venir de la clinique. Ah, Clica, la Clica. Non, mais ils veulent rien savoir, donc ça sert à rien maintenant. Non, mais, non, mais c'est plus la peine que... Je pensais un truc pour enfouiller ton compte, tu peux revendre... Ty John. Tu peux revendre une de tes bagues. Tu peux revendre une de tes bagues de barbe. Oh, t'en mets une dans ta gueule, tu vas voir. Déjà que t'as revendu toutes tes broches. Non, mais vous faites pas d'efforts. Non, mais attends, reste là deux secondes, on va ranger, c'est que... En plus, tu ranges, quoi. C'est pas... Moi, je trouve pas ça non, normal. Non, mais moi, de toute manière, c'est terminé. Maintenant, tu ne peux plus venir à l'improviste comme ça. Mais si, mais c'est ça, c'est pour non, les non, auditeurs. Non, non, non, mais si c'est pour tout poirier à chaque fois, c'est pas la peine. Ou vous faites un effort. Alors, moi, de toute manière, c'est simple. Si le débat des routiers poire, c'est même pas la peine qu'on passe. Je préfère... Pourquoi ça se passerait pas bien? C'est ça qu'il va y avoir de la tension. Ouais, mais là, ils vont rien faire. Qui? Ça va être le bordel. Ça va être le bordel, donc pour prendre de... Non, mais il faut que tu les... Ah, il faut quelqu'un d'autre. Mais pas Olivier Dapro. Il nous faut d'autres personnes, mais sans ces deux-là. Moi, je travaille pas avec eux pour le débat des roquettes. Eh bon. Là, c'est un débat trop important que je connais. Trop important. Arrêtez. Mais ouais, putain, chose. Vous faites savater. Voilà, tu mets un coup. Les gars. C'est 30 ans, il t'a frappé. Bah, tu vas encore avoir un bleu. La fois, Olivier, tu l'as frappé, il avait un bleu. Là, mais bon, il a un bleu, il se casse une main là, quand tu même. Tu t'es pas fait, c'est la retenue. Les gars. Non mais le routier mais c'est là, hyper important, donc faites pas les cons. Les gars. Ah tu l'as, voilà, tu l'as détruit l'autre con. Je m'en fous moi. Mais il a qu'à se faire arrêter. Voilà. Il est assuré. Voilà. Moi je suis assuré. Alors tu prends, on fait un débat, qu'est-ce qu'on fait? Moi je connais bien Maître Colère si tu veux porter. On prend Noémie Rigaud. À la rigueur, ouais. On prend Noémie Rigaud, on vire Fielda et Manu. Ouais, mais qui sait qu'on est à... Ah, mais regarde comment tu l'as savaté, l'autre. Bah ouais, mais putain. Il a mal. Non, mais c'est dur aussi. Moi, je porte plainte. Bah, va porter plainte, espèce de connard. J'ai porté plainte contre toi. T'as des témoins, espèce de connard. Bah ouais. Bah moi, je témoigne contre toi, mon pote, en direct. Non, t'as vu comment tu l'as frappé, frère. Non, mais de toute manière, quand ils auront compris. Mais ouais, mais c'est ça qui... Alors, écoutez ce qu'il vous dit. Non, mais de toute manière, ça sert à rien. Je parle dans le vide parce qu'ils se foutent de ma gueule, alors. C'est comme si tu parlais à un chien. Allô, ma chérie. Oui, il a bientôt fini. Non, mais sérieux, arrête. Je sais pas, je trouve un taxi dans une demi-heure. Ouais, je sais, il fait chier, ouais. Ok, à tout de suite, je t'aime. Mais qu'est-ce qu'on fait? Non, mais moi, si ça continue, ça sert à rien. Pourquoi? Ça sert à rien. Mais ça marche, l'audience, elle est là. L'audience, elle est là. Ah, bah voilà. Tu vois, on a Olivier de la promo qui vient d'appeler sur la ligne grecque. Ouais. Et en fait, il me dit que le débat, il était bien. Ouais. Mais qu'il se proposait pour faire la réa dans celui des moustaches qu'il a dévoqué. Mais non, ça va être la merde. C'est... Non, ça va être la merde. Voilà. Attends, vas-y, parle, il t'entend. En direct, il n'y a aucun problème. Une CB en direct. Ah. Non. C'est bien ça. Non, non. Non. Déjà qu'il règle les micros, il y a eu des problèmes de micro sans en plus. Non, non, de manière déjà ce soir, ça a été encore le bordel. Alors c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Ouais. Non, j'ai dit. Non. Débat. Non, mais même. Non plus. Bon, on gérera ça, on va gérer ça, mais... Non plus. Voilà. Ciao. Salut. Bon, conclusion, c'est... Là, ce soir, la réunion, vous avez fait de la merde. Hein. C'est dommage, on fait 12 millions de personnes. C'est dommage. En plus, c'est un truc que j'ai pas à l'improviste, et je pensais que ça allait bien se passer, c'était prévu. Même et c'est que... apparemment, ben, vous avez tout foiré. Et ça, j'aime pas ça. Bah ouais. J'aime pas ça que vous parlez tout. Ça sert à rien que je vienne. Et la prochaine fois. Non, mais la prochaine fois. Non, mais de manière. J'ai bien réécouté les cassettes. Et c'est un gros clou. Je vais te dire une chose, que j'ai bien réécouté la cassette. Et je vais te faire face. Je vais ramener avec la cassette. Et tu as bien écouté. Par moment donné, tu dis qu'il y a bien un point 26 sur mon compte alors que tu n'étais pas au courant. Donc, le prochain coup, tu fermes. Mais comment t'as eu... Pourquoi tu m'as piqué mon papier dans le... Donc, c'est ça que j'ai pas aimé. Mais moi non plus, j'ai pas aimé. Bien avant que je te pique le papier, je te dis, je peux consulter son compte par internet. Tu peux pas. Son compte mais à la si, poste. Tout le monde. Bien sûr que si, j'ai la carte à puce. Comment tu l'as eu? Bah, ils font défaut. Bah oui, c'est ça. Bah ouais, arrêtez. Arrêtez vos conneries. Donc là, c'est bien, parce que grâce à vous, les Comment veux-tu que je sache qui te prélève ton loyer? Maintenant, tu viens de le balancer, que tout le monde l'a sur internet. T'es content de ta connerie? Mais non, parce que moi j'ai un code. Non, mais tu viens de le dire à l'instant. Non, mais j'ai un code. Non, mais tu viens de le dire. Tu viens de l'annoncer à l'instant que tout le monde, mon compte était sur internet. Mais non. Alors tu te démerdes. Maintenant tu te démerdes. Bon, on va trouver une autre banque. Ouais, mais c'est ça. Non. De manière, c'est bien enregistré ça. Non, parce que c'est bien enregistré. Pourquoi les gens ont besoin de savoir qu'il a 0,19 euros sur son compte? Non, mais ça sert à rien de discuter, Max. Laisse tomber. Je sais, mais je parle dans le vide avec vous, c'est pareil. Mais ça sert à rien de discuter. J'ai le même problème. Regarde-le, il est en train de se foutre de ta gueule, là. Non, c'est faux. Putain, ça me dégoûte, allez. Non, mais c'est vrai, j'ai même... Mais tu sais, Gérard, j'ai le même problème dans la semaine, hein. Bon, avec eux. Tu sais, ça. Et tu sais que c'est... Vous faites exprès de pouvoir écouter les émissions. Non, mais les miennes aussi, hein. Ah ouais, mais non, dans ce cas-là, ça sert à rien. Allez hop. Là, vous avez fait de la merde, voilà. Comme d'habitude. Radio Gérard, le best-of. Et donc, on va passer à toute autre chose avec deux sons à la suite. Le premier, tout d'abord, est une réaction de Gérard, toujours enregistrée en cachette, bien sûr, suite à une connerie Café Fil d'Art. Volontaire, vous en doutez bien. Il lui a donné un faux nom de disque, ce qui a eu évidemment le don de l'énerver. Et ensuite, une réunion d'après-débat. C'est la réunion d'après le débat des ovnis de 2000. Et Gérard cherche Sandy, il veut qu'elle vienne dans le studio, mais l'équipe lui fait croire qu'elle est partie en boîte avec Kudai, dit Olivier de la Pro. On se retrouve juste après, bien évidemment. Le best-of, Radio Gérard. Et on va s'écouter Docteur Crotte avec Allergie, ton trou, je vais me mettre un suppôt. Encore des trucs bidons, merci pour m'avoir coupé mon casque. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me balances comme disque? C'est même pas les bons! C'est pas d'elle! Espèce de bâtard, va! C'est pas d'elle! Gueule pas! C'est pas d'elle! Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Ouais, non, moi, c'est terminé! Qu'est-ce qui se passe? Terminé, je travaille plus avec lui ni lui! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont virés avec les tuiles! Qu'est-ce qu'on a fait? Merde, Phil! Je travaille pas avec des cons! Qu'est-ce qu'on va faire, Phil? Attends, pourquoi? Comment je vais ramener le beurre à ma sœur? Ah ouais? Putain, mais t'es vraiment un bâtard, toi! Plus con que toi, je tue. Ah, non mais Gérard, qu'est-ce qu'on fait à la fin du disque, là? Ah non, mais moi, ils se démerdent. C'est lui qui balance la musique. Bah ouais, mais bon, quand même. Il annoncera les disques. Moi, je donne pas. Mais non, mais ah bah attends. Il s'est trompé, ça peut arriver. Reste content, prends ta paye aussi. Hein. Bah, je fais quoi, alors? Eh, tout le monde se trompe. Oh, ils font des millions d'auditeurs, c'est moi qui me passe pour un con. Ah, ça, c'est vrai. C'est quoi? Ouais, faut pas arrêter. C'est quoi le titre? Il avait attends, il l'a viré, là, il l'a acheté. Je sais plus, voir, c'est quoi, Rodi? C'est ça. Quoi? C'est quoi? Dis-le, c'est quoi? C'est Docteur Crotte avec Élargis ton trou, je vais mettre le suppôt. Alors tu me mets faux d'elle. Bah attends, je vais le trouver l'autre. Oh ta gueule. Je suis en train de le chercher, ouais, il bouge pas. Fais ton boulot correctement, après on discute. Bah attends, bah je le trouve. Mettez le disque là. Je crois que c'est ça. Mais pas faux d'elle. Mais non, je mets autre chose. Ouais, bah attends que tu l'as balancé, moi je vais passer pour un con. Non, bah non, mais pas faux d'elle. En direct, on va... Mais pas Podel. C'est terminé. Toi, la semaine prochaine, je te veux pas. Hein? Toi, la semaine prochaine, t'es viré. Hein, pourquoi? T'es viré, c'est tout. Ouais, mais attends, et après, moi, comment je fais, je te dis, pour amener la nourriture? Je t'es viré. Mais attends, pourquoi tu veux le virer? Et la nourriture? Mais Gérard, attends, je comprends pas. On va amener des pépitos. Bon, Gérard. Regarde, parce que là, je... C'était 700. Arrête tes conneries, quoi. Parce que ouais, mais bon, moi, si j'ai plus de thunes, je peux plus amener la bouffée. Mais alors, j'en ai rien à foutre. Puis je tombe en déprime. Est-ce que tu veux? À la fin du disque, on fera la rectif. Ouais. Et voilà, donc, spécialement dédié à Sandy, c'était pour toi. Donc, c'était pas du tout Docteur Crotte avec Élargis ton trou. Je vais te mettre le suppôt, parce que je sais pas ce qui s'est passé. On a eu faux d'elle, et puis mais maintenant, on vient de s'écouter, faites la fête. Donc, Manu, si c'est pour me donner des disques pourris, ça sert à rien. Moi, je cale les disques qu'on me dit de caler, hein. Bah ouais, mais dans ces cas-là, c'est à toi de voir, c'est tout. Wouah, trop bien! Envoie Gérard au 8-16-64 et reçois des sonneries personnalisées spéciales Gérard de Suresnes. Allô? En plus, si tu es tiré au sort, tu pourras peut-être gagner des packs de crocs, des boîtes de coton-tige ou bien un séjour dans un foyer surénois tout frais payé. 8-16-64. Édité par Mister Cousin, 8,6 centimes d'euros le SMS. Le 2 là. Bah ouais, j'avais tout saboté, vous avez. Et je te préviens. Ouais, j'ai récupéré deux personnes qui écoutaient Punk ce soir. Je peux être sûr que demain je vais. Là, vous avez déconné, j'ai des échos, hein. Pourquoi? Et Noémie, c'est la dernière fois que je te demande de participer au standard, hein. Attends, je te demande de prendre des auditeurs, t'en as pris aucun, t'as laissé les lignes sonner. Mais comment ça se fait, ça?

On n'a pas que ça à branler, nous. Non, mais vous allez aux putes. Hein? Ben, ce serait que toi, j'irai tout de suite et je ne reviendrai pas du tout lundi. Bah, j'y vais. Parce qu'avec le sida, d'ailleurs, t'as pas peur. D'ailleurs, si tu peux demander à. Pas... Comment tu t'appelles? Ah, je sais plus. Ouais, voilà. De m'attendre. Ouais, alors, attends. Espèce de connard. Attends. T'en vas la chercher. Voilà, j'ai mon pote qui va te faire. Tandis! Mais Gérald, viens! Original de Pchou, on a gagné, on peut s'y faire gagner. Ouais, j'ai à voir dans un espion. Ça! Génial, regarde la face que t'as, épaisse que t'as. Je pourrais pas de la poitrine que t'as. Tu m'as jamais fait rire que t'as. Sans oublier de faire barber tous les prétendants que t'as. Génial, regarde la face que t'as, épaisse que t'as. Je pourrais pas de la poitrine que t'as. Tu m'as jamais fait rire que t'as. Sans oublier de faire barber tous les prétendants que t'as. J'ai toujours refusé, jamais t'as toujours manqué. On t'arrive quelque part, mais regarde, c'est le mélange. Tu vis ce temps, tu travailles avec ses dents. Tu ressembles à une femme, mais pas une femme, tu es la mienne. Tu es ton ami, tu poses aucune question. Si tu veux dans l'envie, il y a un table en mission. Ben là, tu peux pas, tu vas la chercher, monsieur Fonchalet. Ouais. Elle a peut-être été prise en otage, en vrai. Tu vas la chercher. On s'est peut-être fait enlever. Allez, va la chercher, putain. Ils vont lui mettre une sonde. Bon, tu veux qu'elle se mette un coup de pompe dans le pied pour regarder le premier? Non, il est grave. Non, mais attends, mais là, c'est incroyable. Là. Tu parles pas de Sandy comme ça, quoi. Bah, je voulais lui dire au revoir avant de partir. Non. C'est pas ça, attends. Laisse-la venir, tu vas voir comment qu'elle va te massacrer. Bah, je voulais qu'elle m'attende pour lui faire un bisou. Hein. Ouais, c'est ça. Tu vas mettre une tarte dans ta gueule, ça va pas être pareil, gars. Planchette japonaise, en fait. Y'a pas de problème, moi j'attends. Hein. Ouais, bah, elle va venir, tu vas voir. Donc, on a fini à combien alors, à peu près 8000. On a fini à 8000 et quelques, je sais plus combien exactement. 8008 Ouais. Ouais, bah. Par contre, faut qu'elle se réveille, puis je suis crevé, moi. Ouais, bah, tu fais rien de la soirée. T'as presque rien foutu, alors. Mais comment ça se fait, ça, alors? Tu fais un débat une fois par mois, et t'es même pas capable de gérer ton équipe. Le mois dernier, t'étais pas là. Ouais, ils font exprès à chaque fois. Non, ils font pas exprès. Avant t'arriver, maintenant t'y arrives pas. Donc, mais comment que ça se fait que quand c'est toi, ils foutent pas la merde? Quand tu dis quelque chose, ils font tout de suite. Et dès que c'est moi, ils foutent leur merde. Pourquoi? Mais non. Bah si, ça a été le bordel. À quel moment? Tout le long de l'émission, ils ont pas arrêté. Impeccable. Ils ont foiré les débats. Ils l'ont foiré, alors. Quand j'ai dit qu'il fallait virer Capitaine Flamme, il est revenu, on sait pas pourquoi. Bah, elle me passe un auditeur, Gérard. Mais ouais, mais de toute manière, il fallait pas qu'il s'amuse à mettre des disques. Jean-Pierre Sauzère, lui, va falloir qu'il scanne parce que... Faut pas le passer. Tu croyais qu'il voulait faire le débat. Ouais, mais il voulait faire le débat, apparemment. On l'a rappelé, hein. Quand on va faire le débat sur les routiers, sur les débats routiers... Lui, il va se prendre une claque dans sa gueule. Qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, moi, je vais lui faire un bisou avant de partir, et lui, t'as vu ce qu'il fait? C'est bien. Je sais pas, il traînait un truc par terre. Ah ouais, mais c'est ta guitare, hein, je te signale qu'il traîne par terre comme c'est ça. Non, une vieille charogne, là, plus. C'est ta guitare, hein. C'est chaud. Cavale, reviens, attends, laisse tomber. Elle est où? C'est bon. Elle est où? Mais non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est partie en boîte avec des copains à elle. Elle est où? Elle est où? Allez où, tu t'énerves? Mais vigile, m'ont dit qu'elle était partie. Non, tu vas la chercher. Mais reviens, attends, on va la chercher. Va la chercher. Va la chercher, Olivier. Tu vas la chercher. Elle est partie avec des copains, elle revient à 3h. Tu vas la chercher, t'as 5 minutes. Va la chercher, mange-toi. Va chercher la grosse. Mange-toi, t'as 5 minutes pour la ramener. Allez. Mange-toi. Allez, Gérard, mais attends, finis cette réunion, là. Putain. On sortira jamais, Tilda, elle est où? Ouais. Et puis, descends avec lui pour voir... Non, c'est la ramène. Bon, il est où l'autre PD, là? Tilda! Reviens! Je suis fatigué, moi, hein. Allez, dépêche-toi. Allez, ramène ton Roswell. Après, on y va, là. Ah ouais. T'es engueulé, j'ai dépassé mon quota d'heure, moi. Ah, y aller, là, quand même, merde. Bon. Bah, Tilda! Oh, putain, il commence à me gonfler, celui-là, aussi. Hein? Ah bah tiens, la voilà. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est trop con. C'est bien pour toi, ça. C'est pour Sonny, tu pourras lui faire un gros câlin, elle. Oui. T'es content d'avoir saccagé les débats? Ouais, sympa, ouais. Ouais. Non, mais là, c'est pas drôle, quoi. C'est bien parce que pour le retour, tu saccages tout. Ça va être saccagé, on a fait ce qu'on a pu, c'est bah, bon. Oui, bien sûr. Avec des fils qui traînent partout, t'appelles ça pas saccager, tu t'amuses à mettre des doubles sons, t'as pas saccagé l'émission. Non, au standard, t'as pas foutu ta merde. Non. Pilote, ça va toi, on te paye à rien foutre quand t'es à l'aria.

Zing zong zing. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Bonjour Moussaillon, c'est Les Innocents. Bonjour, c'est Florent Pagny. Bonsoir, c'est Mousse. C'est Mousse. Dave Bond, descends à Marseille, je vais te faire voir ce que c'est la vie. Salut, c'est Pascal Obispo. Salut, c'est Étienne Daou. Aïe, aïe, aïe. Wouh! Arrête tes blagues, c'est trop marrant. C'est Gynéco. Bonjour, c'est Joe Cocker. C'est Bouvard. Salut, c'est Bruno. Radio Gérard. La radio préférée des stars. Enfin, presque, hein. Radio Gérard, vous êtes toujours à l'écoute, City Hunter, toujours pour vous accompagner pour cette émission spéciale, enregistrement Réunion Pirate. Petite rectification à propos d'un des deux sons que vous venez d'entendre, il ne s'agit pas de Fildar, comme je l'ai dit juste avant, mais bien de Manu qui fait une connerie avec le titre d'un disque et donc qui provoque la colère de Gérard. On enchaîne tout de suite, sans plus attendre, avec deux nouveaux sons. Le premier, c'est une réunion post-débat. Gérard n'est pas très content, car Fildar vient de lier un tract à l'antenne, ou plutôt un trac, comme dirait Gérard, hein, et vous savez très bien que Gérard, les tracs, il n'aime pas ça. Et deuxième son, c'est le deuxième son est lié à un événement très connu, puisqu'il s'agit de l'entartage de Gérard. Et Gérard est dans les toilettes, il est en train de se faire nettoyer, en train de se faire nettoyer, hein, non, et pas en train de se faire enculer dans les chiottes de la loco, comme il aime ça. Et il est en train de se faire enregistrer par Max à son insu, et donc Gérard, évidemment, n'est pas content. Comme à son habitude, hein, vous me direz, ça change pas. Donc on écoute ces deux sons, et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de l'émission sur les enregistrements pirates. Salut, c'est Marc D de Belgique. Moi, j'écoute Radio GG parce qu'il n'y a que des caves sur cette radio. Et moi, les caves, c'est un peu ma spécialité. Prendre un enfant par la main. Ouais, mais c'est clair. Des tests ont été réalisés en Amérique du Sud et toute forme de vie animale et végétale ont disparu. Les effets de cette bombe, l'armée, elle a surnommé la bombe GG, sont énormes et la seule bactérie détritique ont pu recoloniser une cet espace des voisines, etc., etc. Enfin bon, fesse de bas moi. Enfin pour dire que voilà, là ça craint. Moi je vais te dire, le problème, Gérard, c'est que comme tu gueules tout le temps, tu leur fais plus peur aux auditeurs quand tu gueules. Mais tu fais pas peur, de toute façon, je fais peur. Ouais, t'as, c'est t'as, ça le problème. Toi, fais gaffe parce que je dis, tu risques de dresser dans ton bureau. Fais gaffe. Ouais, ouais. Ah, mais alors à ce moment-là, il y a mon cousin, il va venir chez toi en fait. Ouais, bah ça, pourquoi t'as-tu donné l'adresse, toi? Attends, je vous laisse deux minutes. Il m'a demandé. T'as pas donné l'adresse comme ça des gens, hein. Attends, il m'a demandé, il voulait venir habiter chez toi, il paraît que c'était ok. Tiens, Olivier, ferme la porte, faut que je m'en rappelle à Gérard. Ouais. Gérard, tu sais que je me casse peut-être sur l'énergie. Pour l'instant, c'est non, il paraît. Ouais, mais j'ai un plan sur l'énergie. Et le mec, le directeur d'antenne d'énergie, il m'a dit que si tu venais avec moi sur énergie, tu gagnerais plus. Je reste sa fun, c'est tout. J'aurais plus de tickets resto. J'en profite que Max il soit pas là pour savoir si tu veux venir avec moi sur énergie, parce qu'on ferait une émission de carton, quoi. Putain, c'est ta chance, hein, Gérard. Je reste sur fun, c'est tout. Et on va aller, il paraît que t'as déjà bossé avec lui en plus. Parce qu'il y a des mecs d'Europe 1 qui reviennent avec nous sur... Donc voilà, c'est plus gérable, c'est la question. De quoi? Non, parce qu'on parlait des niveaux des disques, là. C'est normal. Parce que quand Gérard y parle, on l'entend pas. Voilà, répond mon cousin, c'est ok ou pas? Non. T'as pas donné mon adresse comme ça à n'importe qui, toi. De toute façon, tout le monde a ton adresse maintenant. Ouais, c'est sur internet et je sais pas qui c'est qui a été la balancée. Ouais. De toute façon, sur internet j'ai mis les poèmes aussi. Ouais, mais alors regarde après. Comme jeudi dernier, c'est toi qui étais balancé les thèmes des débats, que tout le monde avait déjà les questions. Alors cette semaine, tu n'auras pas les photocopies. Ouais, moi, je les ai vues, les questions là. Non, tu les as pas. Mais ça sont là. Tu touches à ton cul. Attends, Gérard, je vais les ranger. Non. Je vais les ranger, moi. D'accord. Tu fais confiance, Gérard. Non. Non, il fait confiance à personne, il a raison. Ça peut être machiné, ça. Allô? Ah, parce que bon... Bon alors, ce qu'on va faire, jeudi, c'est qu'on fera une petite réunion avant le débat. Pour savoir qui fait le standard et qui fait la réunion en premier. C'est comme ça, après on saura un peu, tiens. Qui fout le bordel en premier. Ouais, c'est ça. Double bah, non, mais les mecs, attendez. Double son et compagnie. Si vous foutez le bordel tout le temps, avec Gérard, on a dit qu'à ce moment-là, on cherchait d'autres personnes. Non, mais s'il est comme il est habituellement, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Bah, tiens, si t'es pas content, déjà, je dis que tu restes chez toi, comme ça, tu me feras penser. Attends. Au moins, tu vas être servi, là. Max, qui veux-tu qui veut bosser avec Gérard, ouais, personne avec veut nous, bosser hein, avec lui. C'est dévoué, attends. Mais... Attends. Ben, peut-être qu'il y a que vous, mais je vous ai posé des conditions. Maintenant, ça vous de les respecter. Ça c'est la rose en studio. Toi, fais gaffe, parce que jeudi, tu pourrais peut-être faire rien du tout, toi. Ça pourrait peut-être t'arriver. Non, on t'a jamais dit, mais il pète pas que du cul, hein, Olivier. Il pue la bouche aussi. Fais gaffe, Olivier. Ce jeudi, tu vas peut-être rester dans ton studio. Mais je te préviens, fais gaffe si tu t'amuses à foutre le bordel. Parce que si à cause de toi, c'est le bordel, j'arrête tout de suite. Hein. Donc, je suis d'accord avec Gérard. Moi aussi, là, pour une fois, franchement. T'es vraiment un perturbateur. C'est peut-être à cause de toi que ça marche plus, les débats, que personne n'appelle, et que c'est toujours les mêmes. Et qu'il n'y a plus que deux auditeurs. Voilà. Donc, voilà, c'est tout. Donc, alors, jeudi, bah, on se voit avant de commencer. À quelle heure? On finit ce que c'est... Toi, pour l'instant, tu vas te calmer. Je vais voir jeudi, d'ici jeudi, si je te reprends. Moins 5. J'ai mon train. On verra d'ici jeudi si je te prends ou pas. Ah ouais, mais à l'antenne, franchement, Gérard, faut pas que tu gueules tout le temps et que tu les vires au bout de 5 secondes, quoi. Franchement, les auditeurs, faut pas que tu les vires au bout de 5 secondes. Ouais, mais si le mec... On peut pas suivre au standard, on peut pas. Mais ouais, mais le mec, s'il dort à moitié mais quand oui, tu lui poses la question... C'est à toi de le gérer, ça. Nous, on peut pas le faire. Cet homme-là, les trois quarts, je dis qu'il comprenait rien. Bah ouais, mais ça, c'est à toi de leur expliquer, Gérard. Ouais, moi, je suis d'accord avec Gérard, c'est toi qui fais mal ton boulot. Putain, tu retournes ta veste, ouais, quoi. Non mais attends, lui pour l'instant il sait pas s'il va faire quelque chose, je le dis encore. Ouais, moi je... Ouais, non mais je te préviens d'entrer. Je préfère te prévenir maintenant, je suis pas sûr que jeudi tu réintègres l'écrite. L'écrite? Ouais, t'as très bien compris ce que je t'ai dit. Mais je voulais te demander ça parce qu'on est en réunion pour les débats. Est-ce que je pourrais peut-être prendre une semaine de vacances? Tu vois ça avec ton chef, pas avec moi. Ah bon? D'accord. Non, parce que je voudrais partir avec Sandy, c'est pour ça. Non, bah tu laisses Sandy tranquille, connard. Attends, c'est moi qui pars avec Sandy. Non, ouais, bah tu touches pas, tu vois. Non, je l'avais booké pour la semaine prochaine, les mecs. Sandy m'a dit qu'on se verra à la loco en plus. Mmh. Ouais, c'est ça. Ouais, mais moi c'est de lundi. Attends, mais Sandy, derrière. Mais maintenant, vous allez me foutre la paix avec ça et vous allez lui foutre la paix aussi. Bah, elle est pas mal, Sandy, hein, n'empêche. Bah ouais, bien. Vous lui foutez la paix. Mais nous, on l'a jamais emmerdé, hein. Bah, c'est pas de ma faute. Si... C'est ta faute si maintenant elle a emmerdé. Parce que t'as filé ton portable, alors les gamins, maintenant, bah voilà. Non, c'est pas moi qui ai appuyé, c'est sa soeur qui vient balancer sur mon tatou. Ah bah, maintenant, c'est que. Mon tatou, il est changé et personne n'est là. Ouais, mais ça. Tu peux l'avoir, moi? Non. Et surtout pas toi, en tous les cas. Ce sera le seul de l'équipe qui l'aura pas. N'essaye pas d'aller le piquer quelque part et de le balancer sur Minitel, sur Internet. Sandy, elle va me le filer. Non, oh, bah, Sandy, elle l'a pas. Mais attends, elle m'a appelé encore aujourd'hui. Ça. Mais c'est ça. Bah, attends, on va lui demander. Mais elle est montée, on va voir après. Arrête de dire des conneries sur elle, d'accord? Ce jeudi, tu vas... C'est simple. Je t'ai fait une grâce, mais là, continue comme ça et tu vas rester arrête dans ton de lui, ton là, bordel. Regarde, Gérard, il rigole. Petit sourire, là. Putain, tu sourire en quoi, Olivier? Il a ras-le-bol, hein. Parce que pour l'instant, t'es pas sûr de reprendre l'équipe jeudi, hein. T'es pas sur la liste. Non, mais non, il t'a fait la grâce de bien vouloir que tu participes à la réunion, alors sois sympa. Grand seigneur. Merci, Gérard. Donc, t'as intérêt de te calmer. Bon, ça fait trois insultes que tu me balances. Non. Je t'ai dit non. C'est la bise, alors. Ah, tu vas lui mettre un pain. Bon, alors, qu'est-ce que tu notes? Ce que je garde pour l'instant. C'est-à-dire. Ouais, je suis sur la liste. Ouais, moi aussi. C'est tout. Pour l'instant. Yes, non, yes. Et moi? Non, pour l'instant, toi, tu vas te faire faire. Ça met Olivier avec un point d'interrogation. Ouais. Moi, comme ça, tu verras le point d'interrogation, si c'est OK. Ou avec un petit cœur. Donc là, l'autre, c'est une petite feuille blanche avec marqué dessus, fil d'art, Philippe, Olivier, Manu et Olivier avec un point d'interrogation. Il y a deux V à Olivier. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas m'apprendre à écrire, connard. Faut se calme. Enfin, voilà. Bon. Par contre, dernière chose. Je veux plus qu'on parle de Sandy à l'antenne. Ouais. Et l'histoire des trucs de la loco et puis des coton-tiges que l'autre conne de Christine a été dire, ça aussi enfin, je voudrais que ça se... On le balance plus, mais comment tu veux s'il y a un auditeur à l'antenne Non mais ça va... Ah, je fais un petit remix. De quoi? Un petit remix sur les contentiers. Ouais, ben, tu le balanceras pas parce que tu n'es pas sûr de participer. Alors, méfie-toi. Ouais. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir encore, Gérard? Ben, c'est tout. C'est tout, on a fait le tour. Sûr, hein? Donc, on verra ça jeudi pour savoir qui c'est, qui fera l'arrêt en premier, puis le standard. Et, c'est... Oui, c'est là. Le débat sur l'aspirateur... C'est fini quand je dis au revoir. Alright. Le débat sur l'aspirateur, on prend plus des nanas ou des mecs? Tu préfères quoi? Parce que si je fais le standard... C'est pareil, parce que moi, le problème que j'ai, Gérard, dans tes débats, c'est que j'ai l'impression que tu veux plus de mecs que de nanas. Ouais. Non, plus de nanas. Ouais, mais alors comment tu fais? Tu leur dis pas. Qu'est-ce que tu fais? 3 filles, 3 nanas ou 4 filles, 4 nanas? Tu veux que des nanas? Non, on fait 3 et 3 pour le premier. Et le premier, c'est l'espoir de glisse. Ouais. Vous voulez faire l'aspirateur, Manu? Non, non, on fait l'espoir de glisse. Non, mais c'est mieux, Manu, on décide. C'est Manu qui décide. Hein. On fait l'espoir de glisse en premier et en deuxième les aspirateurs. Manu, il dit que c'est à lui de décider parce que c'est lui qui fait le standard. Bah ouais, mais c'est moi qui décide. Non, bah non, c'est moi qui fais le standard en plus, donc je décide en premier. Bah ouais, bah décide alors si tu donc, fais le standard. Donc on va faire, qu'est-ce que t'avais décidé toi? Tu veux décider quoi? Les aspirateurs. Ouais, en fait. Non, on fait pas les aspirateurs en premier, on fait l'espoir de glisse. Non, on fait l'aspirateur. On fait l'espoir de glisse. C'est mieux, fait l'aspirateur. Pourquoi tu as décommandé ce que je fais? C'est moi qui décide, c'est moi le chef encore le jeudi. Bah c'est pas toi. Mais moi je suis le chef du standard. Ouais, bah peut-être moi, je suis le chef de l'AREA, hein, deux voix contre une. Eh ben alors, moi je fais les sports de glisse en premier, c'est tout. Ça sera les sports de glisse et l'aspirateur. C'est pas grave, regarde Gérard, il fait les sports de glisse à l'antenne et nous au standard on fait l'aspirateur. Ouais, je m'en fous, moi, s'il fait les sports de glisse en premier, je fais les habituels. Si tu fous les habituels, tu vas pas faire partie longtemps de l'équipe. Je m'en fous, hein. Donc je te préviens, c'est moi qui commande. Non mais on fera les. Ouais, on se débrouille. Aspirateur. Ouais, aspirateur. Ouais. Non, il est hors de question, c'est l'espoir de glisse et c'est tout. De toute façon, j'ai rappelé Tony et il passe. Il y a Arnett aussi qui. Il passe pour le débat de l'aspirateur à 1h15. Ouais. Parce qu'après il se casse. Ça sera pas l'aspirateur, ça sera l'espoir de glisse. C'est moi qui commande. Bah attends, si je rappelle Tony qui parle de l'aspirateur pendant l'espoir de glisse. Je répondrai pas alors. Parce que comme les questions, vous n'allez pas les savoir. Bah, je les ai retenues, hein, je les ai lues. Ah, moi, on me les a dit, ça y est, hein. J'ai imprimé. Mais moi, il est hors de question qu'on fasse l'aspirateur en premier. Et pourquoi? Parce que là, je fais l'espoir de glisse en premier. Et l'aspirateur en deux. C'est tout. C'est n'importe c'est quoi. Nul, c'est nul. C'est naze. Et bah, dans ces cas-là, si c'est naze, bah, tu vas aller dans un studio, toi, je vous dis. Oh, c'est vrai, je suis naze. Bah, ok. Alors, soit, bon, bah, je me casse. Je peux pas aider, bah, je dis. N'empêche que c'est naze, faudrait commencer par l'aspirateur. Non, mais si. Non. Voilà. Bah, moi, je suis solidaire avec Fildar. Mais non. Vous faites tout ce que vous voulez, bah, dans ce cas-là, on prendra d'autres personnes. Voilà. Voilà, mais le problème, c'est que t'es pas assez dur avec eux. Non, et on n'a pas changé les... Ah ouais, mais le problème, c'est que toi, tu dis sport de glisse, mais ils vont se retrouver, puis ils vont prendre... Quand ils vont te mettre des auditeurs qui vont parler de l'aspirateur, t'as laissé faire le sport de glisse, c'est ce que tu feras. Non, mais je dirais que c'est pas le thème du premier débat. Ah, tu galères, non? On a dit les sports de glisse, on restera sur les sports de glisse en premier. Je fais l'aspirateur en deux. D'accord. Mais c'est à toi de leur dire que t'es le chef, quoi. Oui, mais t'as beau leur dire, ils s'en foutent, alors. Ouais, mais toi, comme tu vois, pas, t'es peut-être pas fait pour ça, hein. T'es peut-être pas fait pour être chef, quoi. T'es peut-être fait pour simplement recevoir des ordres. Donc, il est hors de question qu'on fasse l'aspirateur en premier. Voilà, voilà. Donc, on verra ça avec eux. Bon, bah, ça s'est bien passé, là. Tu vois, la réunion, faut en faire une de temps en temps, comme ça, le mardi. Mmh. Hein? Et si ça se passe mal le jeudi, bah, tu notes ce qui s'est pas bien passé. Puis voilà. C'est pas la peine de pleurer là, pour que je fasse ton standard mardi. C'est jeudi, c'est nerf. Non, dans ces cas-là, tu fais plus partie de l'équipe. Non, c'est non. Tu resteras chez toi. Parce que monsieur décide et c'est bidon tes choix. C'est vrai. Ouais, Manu est d'accord. Voilà. Ça, on veut pas ouais, c'est bon. Ouais. C'est terminé. C'est fini. Pas vous qui commandez jeudi. Ouais, c'est bah, fini. Tu te démerderas tout voilà, seul. Tu feras tout seul. Voilà, monsieur veut décider. Tu sais tout faire. Voilà. D'ailleurs, c'est moi qui décide les thèmes de débat, c'est bah tout. Voilà, c'est n'importe c'est quoi. C'est nul. Ouais, bah allez, salut, Gérard. Ouais, salut, bah, casse-toi. Hein. Bon. Moi, je vais y aller, là. Moi aussi. Bon. Eh ben, Gérard, au revoir. Imaginez, vous êtes un amoureux dans une balade en forêt. Alors que les fleurs de cerisier tombent sur le bout de votre nez, votre chevalier servant vous susurra de ses plus beaux poèmes. Ma biche, je voudrais te faire la sodomie. chez McDonald's, en tête à tête. Mais tout est fermé. Vous êtes à l'heure, en harmonie. À cet instant, tout n'est qu'amour et merveille à vos yeux. Emballé par la prose de votre bien-aimé, vous lui demandez à l'heure de vous réciter de nouveaux vers. À cet instant, il vous répond... Tu ferais mieux d'aller pêcher avec les vers de ta chatte. Non mais tu croyais quoi? T'es sur Radio GG, fillette. Pas sur Radio Les Petits Oiseaux qui gazouillent. Radio GG. La radio qui ne le dit pas avec des fleurs. Non, c'est bon. Bon, alors attends. Vous m'entendez bien, hein? Ouais, ouais, ça va. Donc je vais aller dans les chiottes avec Gérard et on va discuter un peu. Bah ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis un gifle, là. Bah, c'est un mec, depuis que t'as vu, les gens, ils balancent un truc sur la gueule. Carrément. Bon, ça va, c'est que de la crème, c'est bon, ça s'en va. Eh. C'est grave, hein? Donc là, Max est avec Gérard dans les toilettes. Qu'est-ce que ça fait ? Et nous, on a mis un disque, attention. Gérard vient de se faire en tartrait devant la radio. C'est pas beau à voir. Normal, si vous entendez mal, c'est un portable. Hein. Gérard, c'est en sonné. Donc là, ils sont toujours aux toilettes, Max et Gérard. Allô ? Oui. On reprend l'antenne ou pas là ? Ouais, ouais, bientôt, dans 20 secondes. Dans 20 secondes, ok. Bah, tu me dis, hein ? Ouais, ouais, bah, je te fais le décompte, t'inquiète. D'accord. Ça va, Gérard ? Ça va là ? Allô ? Ouais, ouais. Bon, ok. Bon, bah, pour l'entartrage, moi, de toute façon, avec des photos que j'ai faites, j'en parlais à Axel. Et puis voilà, quoi. Non, on va les remercier, ouais. C'est bientôt la fin du disque. Hein, ah, bah, on est en direct. Oh, on est en direct, c'est reparti. C'est reparti. Donc avec Gérard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Max? Bah, je sais pas. Pour l'instant, il veut pas trop raconter. Il préfère rester discret sur ce qui s'est passé. Apparemment, bah, c'est normal. Avec la popularité qu'il a, il s'est fait entarter, quoi. Entarté. Entarté. Entarté. Pardon, excusez-moi. Comme dit Tarkan sur le Minitel. C'est fait entarté. Ouais. Ok. Mais je m'en fous. Je suis en direct, Gérard. Ah, je rigole, je plaisante, Gérard. Allez, viens, on est en direct. Viens, Gérard, viens, viens. Ou entartré, je sais pas. Entarté. Entarté. Alors, si c'est entarté ou entartré, dites-le nous, parce qu'on entarté. A un entartré, c'est du tartre. Parce qu'on est dans entarté, bah, oui, c'est de la tarte sur la gueule. On y va quand, Phil Darl? On est bientôt sur l'antenne ou pas là? Ouais, ouais, dans 10 secondes. Non, mais par contre... direct? Toujours. Ouais. Ok. Moi, j'arrive, j'arrive. Hein. D'accord. Gérard a changé de t-shirt, non? Ouais. Il est propre? Ouais. Ah, est-ce que c'était de la peinture ou de la crème fouettée, je sais pas. Bah lui il dit que c'était de la crème, mais bon, je suis pas persuadé du résultat, mais bon, voilà quoi. Parce que généralement le belge... J'arrive là, hein, je suis dans le couloir. D'accord, il utilisait pas la peinture, hein, il utilisait bien la crème chantilly. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Par contre, tu devrais en profiter pour prendre une douche, Gérard, quand même. Dans les fermes à clé. Pour une fois, non, mais il pourrait prendre sa douche, quoi. Là, je suis avec Gérard, mais pour l'instant, il est un petit peu... Ah, je comprends. Torse nu, là. Ah, c'est l'émotion. Oh là là. Il est torse nu, là. Ouais. Tu veux qu'on a même une bombe de... Ouais, bah là j'arrive, je suis bientôt dans le... Un déo ? Mais hein ? T'es où là dans le couloir parce que... Là je suis dans le couloir, là j'arrive. Mais il fait combien de mètres le couloir là ? Parce qu'on ne voit pas l'arrivée là. C'est normal, attends, il attend Gérard. Ouais. Ah bon. Voilà. Moi, je suis un peu derrière toi, mais depuis tout à l'heure, mais c'est pas là. Voilà, donc pour expliquer aux auditeurs, comme je suis à 100 fils, je suis à 30 mètres, je suis à 1 mètre de fil d'air derrière. C'est pour ça que je t'entendais bien. Et je lui parle et j'ai l'impression que je suis à 10 km. On entend bien là, hein. Ah, ouais, c'est bien là. Ça va me donner des idées, tiens. C'était un peu mieux que dans les toilettes, parce qu'en les toilettes, on avait du mal à t'entendre. Ouais, mais... C'est normal, parce que l'autre, il voulait pas trop raconter, il se méfiait quand même. Ah, d'accord. C'est un loulou, quand même. Ah, d'accord. Voilà, bon, enfin, ceci dit, je sais pas ce qu'il a pris dans la gueule, mais il a pris grave, hein, la crème, là. Donc ce soir, ça va être chaud, il va falloir être calme. Radio GG, la radio qui porte des tongs. Dernière ligne droite pour cette émission spéciale Réunion Pirate. Il nous reste 10 petites minutes à passer ensemble, 10 petites minutes, un quart d'heure avec les célèbres gueulantes de notre GG national. On va s'écouter deux sons pour terminer cette émission, pour terminer cette thématique surtout. On va d'abord écouter une réunion alors qui est pas post-débat mais post-conseil. Mais ça ne change pas au principe du truc. Gérard est toujours pas content. Cette fois-ci, il est pas content à propos de deux auditeurs que Fildar et Manu ont entre eux au standard. Je vous laisse la surprise du pourquoi du comment. Et le deuxième son est issu d'un débat très connu, puisqu'il s'agit du débat sur les jeux télé. Cette fois-ci, Gérard gueule sur tout le monde, enfin, plus particulièrement sur Manu et Fildar, qui font que de la merde, comme d'habitude. Il y a Krigo qui fait du bon boulot, comme il dit si bien. Il y a tout le monde, il y a la Dream Tease, Max et Gérard. Donc on s'écoute ces deux sons et on se retrouve juste après pour la toute fin de l'émission. Salut, c'est le juge Burgo. Moi, avec mes potes les magistrats, on écoute Radio GG. Comme ça nous permet de mieux travailler. Pas vrai les gars? Ouais, c'est vrai. Bon alors les gars, on est tous d'accord pour dire que Youssef Fofana, hein, il joue avec son pote là. Et puis ça, quand il y a eu le jeu avec le couteau, ça a mal tourné, vous êtes d'accord? Ouais, je suis d'accord avec toi. Bien, affaire classée. Maintenant, dossier suivant. La révision du procès de Nuremberg. L'autre qui s'amuse à balancer, elle s'appellera Madame Cousine. Hein. Qui a dit ça? Tu permets, tu réécoutes la DRL. Non, c'est lui. Mais non, c'est lui. Et puis là encore. Et t'as réécouté la DAP, tu vas voir. Hein? Alors si c'est pour faire des conseils et que vous me laissez saccager, c'est plus la peine. Ah non, mais on fait plus, hein, mais c'est pas la peine. Hein. Moi j'ai écouté tout à l'heure, c'est une catastrophe. Hey, l'autre, je te demande, toi Manu, de me le réveiller là, le gitan. Tu veux devenir gitan? Tu m'as dit, ouais, il est bien en forme et tout. Ça, tu l'avais dit. Bah, deux minutes, en plus, je t'avais dit, je le sentais pas. Et il a décapité une poule, j'y peux quoi, moi? Non, mais même, c'est pas parce qu'il a décapité une poule, n'empêche, il a été balancé des trucs qui se balançaient pas à l'antenne. Comme l'autre, qui veut faire avoir des problèmes à son père. C'est pareil. J'y peux rien, moi, t'as pas dit. C'est pareil. Mais attends. T'es mauvais. Moi, je vais te dire une chose. L'autre, je le sentais pas du tout. Je l'ai dit à Max, je le sens pas. Et ça a pas loupé. Et je t'avais dit Sandy, elle s'en est super bien sortie avec le gitan. Mais oui. Je le sentais pas, fallait pas me le laisser. Pourquoi tu l'as pas dit? T'as nez bouché aussi. J'avais bu. Non, t'as dit je vais voir, et en fin de compte, il a carrément... Qui? Carrément... Marcelito, le gitan. Lui, là. Attends, 18 ans, il a des problèmes, il veut devenir gitan, il a des copains qui braquent des bagnoles et tout ça. J'ai dit, allez hop, au revoir, tu l'as pas passé? Allô? Si, on l'a passé, mais on l'a pas gardé longtemps. Vous pouvez pas le passer. Ouais. Je l'ai pas gardé longtemps. Pourquoi? Ouais, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a comme problème encore? Je l'ai au téléphone, là, Marcelito. Non, moi, je le prends. Il est à Nanterre, après. Par la suite, ça a été. Il est passé à Nanterre. Ouais, c'est ça. Il nous attend. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de la gueule du monde, toi. Putain, mais les mecs, on peut pas travailler comme ça. Non, mais moi, je travaille plus avec toi. Ça finit. Et moi, j'avais entendu dire que t'avais changé de nom, que tu t'appelais Tousin avant. Ouais, c'est ça. Et ta mère, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Suce-moi la bite, c'est ça? Bah, ça lui a peut-être arrivé, ouais. Ouais, ben. Peut-être pas la tienne, mais bon. Ouais, ben, heureusement. Bah, pour elle, elle est pas malade, donc. Surtout quand vous me passez des mecs que je vois. Ouais, c'est dommage. En plus, attends, 17 ans et demi, vous me mettez une nana qui a 17 ans et demi, alors que vous savez très bien que la nuit, on passe pas des jeunes. C'était pour son anniversaire. Non, pas ça, putain. Mais merde, combien de fois qu'il faut le répéter que je vois pas de jeunes dans les émissions. Alors, dans les débats, vous me trafiquez des âges et tout ça. Attends, quand tu me mets un mec de 12 ans dans un débat, tu crois que je reconnais pas la voix? Attends, faut arrêter, là. Hein? Moi, si ça continue, là, à la fin du mois, il n'y a pas de débat. Non, mais le problème, c'est que mineur, en plus, il sait qu'il va avoir des problèmes, Gérard, tu le sais. Et l'autre, tu vas avoir des problèmes, hein, je te l'avais dit avec le mineur. Et toi qui n'as pas été capable de me gérer le mec avec son père qui a des problèmes. Celui qui est maire de Paris, non mais attends, tu te rends compte aussi toi? Putain, mais c'est toi, tu prends des mecs comme ça. T'as prends des risques insensés. T'as pas réussi à la. Mais ouais, mais attends, mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui donne de conseils? Eh ben, j'allais pas risquer aussi que même. Elle est au flic. Mais alors, il est en train de faire avec des preuves aux emplois fictifs. Mais alors, il a qu'à y aller au flic. S'il a des problèmes, il a qu'à y aller. T'as eu qui ce soir? Tu l'as pas dit. T'as eu qui? On a eu le, soi-disant, le fils de. Du maire de Paris. Vous avez pas dit son nom, moi, j'espère, au mec. Non. Déjà, il nous l'a pas dit son nom. Le nom de qui? Du maire de Paris, là, en ce moment? Ouais, de son père. Non, mais son nom, c'est Jean-Christophe, il l'a balancé à l'antenne, ce fou. Son prénom, mais on connaît pas son nom de famille, j'espère. Non. Il va te mener, on sait qui c'est. Qui savait qui c'était? Libéré. Pas le gars-là, mais le maire, je savais du tout qui c'est qu'il a eu et qui c'était, moi. C'est qui? Ah non, mais. Tu connais son nom? Bien sûr, tu sais. Libéré. Ah, mais ta gueule, voilà. Voilà, t'es vraiment une pute, toi, pas fini, là. Ouais, tu veux pas reprendre le petit gitan, là? Non, voilà, terminé. Tu me laisses où tu l'es, parle pas comme ça. Tu lui dis au revoir et puis basta. Bon, bah, ils disent bien Marcelito, hein. Bonsoir. Un peu plus tard, au bureau de la société. Cette histoire vous est présentée par l'assouplisseur à linge Souplitou. Tout le monde adopte Souplitou. Écoutez cet homme. J'ai adopté Souplitou parce que, bah, enfin, avant, j'avais adopté un chinois et à l'essorage, ça déstabilisait mon lave-linge. Jugé. La radio qui pite des sketchs de François Pérusse pour faire ses jingles. Et qu'en plus, ça n'a aucun rapport. C'est impossible. C'est impossible de travailler comme ça. C'est impossible de faire des débats de comme ça. Non mais là d'accord, mais attends. Là c'est impossible. Manu, il fait le con, il s'amuse là à mettre des doubles sons. L'autre, il lui demande de virer des gens, il fait le vire pas. Pour l'instant, il y a Crigon qui bosse. Moi, je commence à avoir le bol. Moi, je vais finir par plus faire de débat. Ah, mais là, faut faire super gaffe parce que. Attends, regarde, t'as 24 lignes qui sonnent. Hein, là, je suis pas d'accord. Alors, Françoise, elle est où? Tu peux revenir, Gérard, attends, Gérard, tu parleras avec. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Bah, pour l'instant, tu mets 2-10. Non, Toi, tu dégages. Non, mais claque pas la porte comme ça, tu vas tout casser, putain. Toi, Manu. Ah non, les gars. Manu, ça commence à bien faire. Cache pour venir, je sais ou pas? Attends, vous me prenez des gens au standard, moi, on garde que François. Il y a le disque là qui tourne. Alors Françoise, elle est où? Non mais attends, on s'en fout de Françoise, qu'est-ce qu'on fait? Non mais moi pour l'instant tu mets 2 disques. Non, si. Ah, on prend le débat là Gérard. Non, là c'est même Gérard, plus possible. Gérard, je vais perdre des gens sur l'IRC. Je vais perdre des gens sur l'IRC. Mais même on a 3500, moi je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord qu'on soit il y a 3500 à 1h46. Ah, d'accord, c'est vachement bien. Non mais attends. Nous la semaine on est à 100. On est à 100 pendant toute l'année. Non, mais là, faut pas déconner. Pour ça. Faut pas déconner, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, les mecs, ils veulent même pas répondre aux questions, ils ont rien à foutre. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, Pildar, c'est terminé. Maintenant, tu me prends plus de personne avant. Tu me prends plus personne avant les débats. T'attends que j'arrive. Et je sélectionne les gens. Monsieur Tony, j'en veux plus. Arnett aussi, Goldo, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, j'écoutais pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bah attends, l'autre, il met du double son. Mais c'est pas... Mais non! J'ai rien fait, je suis innocent. L'autre, Olivier, allez, tente ça, toi, on va reprendre l'antenne. Ouais. Olivier, qu'est-ce qui se passe? Olivier, c'est pareil, tu me demandes de dégager quelqu'un, il va pas, alors faut pas déconner. Moi, je continue pas les débats comme ça. Non, mais c'est clair, je suis d'accord, mais... C'est pas vrai. J'ai rien fait. T'as rien fait. Attends. T'as rien fait, je te demande 150 fois de me garer des mecs, que tu me les reprends, tu les remets sous d'autres noms, non. Alors qu'il y a 24 lignes qui sonnent. Arrête tes conneries, dégage. Va faire ton truc à la pointe. Attends, ça va, il a fait du bon boulot, alors qui c'est qui fait le truc? Maintenant, l'autre, s'il se calme, il va y revenir en standard, et maintenant, vite fait. Ah ouais, mais je suis hyper calmé, hein. Il faut que je raccroche, quoi. Bon, c'est tout, alors qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Oh! Qu'est-ce qu'on fait? Non, j'ai pas raccroché aux gens. Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, Pulgar... Il reste combien de temps sur le disque? Il reste que 40 secondes, même pas. Pulgar, il revient en standard, il me laisse Françoise et il me reprend d'autres gens. Bon, alors, ok. Allez, on se remet à l'antenne, on reprend dans 40 secondes. Allez, on reprend dans 40 secondes. Girl, your admiration, it all lit me from the start. With the physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweetheart. Now go lava, I'll get straight to the point, like a horror dart. Don't go in a jacuzzi and get some bubble bath. Only song you will hear is the beating of my heart. And we will, and have some sweet pillow talk. And bombastic, tell you fantastic. Don't remember boxes, it's a Mr. Rowe. Attention. Top, je porte une moustache en poil de cul ainsi qu'un gilet noir des tons qui plus me surnomme moustache Mitzor Cousin ou le putois de Suresnes. J'animais des débats sur Fun Radio accompagné de la Dream Tease ou d'une équipe de bras cassés. Je pense que le Brésil fait partie de l'Europe, que la capitale de New York c'est Washington et qu'un hammam s'accroche aux arbres. On peut dire que je suis bête, voire con comme une bite. Je suis sorti avec des bulldogs mystères. Je suis... Radio GG, la radio qui t'apprend des trucs. Et c'est déjà la fin de ce best-of spécial Réunion Pirate. Merci à vous de l'avoir écouté. Alors ce n'est pas tout à fait fini puisqu'il nous reste deux petites choses à écouter. Dans quelques minutes, on s'écoutera un remix fait par Molls qui s'appelle Euro Club Sonic ou quelque chose dans le genre. Hein. En tout cas, vous le reconnaîtrez facilement. Et juste avant, alors d'habitude à cette heure-là, il y a ce qu'on appelle les dédi pouces. Mais pas ce soir. Ce soir, j'ai préféré réaliser autre chose. Alors les deux semaines précédentes, c'était Slibar Puant et Marc Cousin qui étaient au micro de Radio GG. Et donc j'ai décidé de faire un peu comme Thierry Ardisson qui diffuse le best-of de la semaine précédente au début de son émission. Moi j'ai décidé de diffuser le meilleur de Slibar Puant et de Marc Cousin des semaines précédentes. Alors pas les meilleures interventions de Gérard qui étaient dans leur émission. Hein. Non, vraiment les meilleures interventions de Slibar et de Marc Cousin. Donc on va s'écouter ce petit best-of ainsi que le remix, et moi je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez raté cette émission, elle sera rediffusée mardi prochain à 23h, ou bien si vous ne pouvez pas écouter cette rediff, il y en aura une autre dimanche de la semaine prochaine, pas ce dimanche-là mais la semaine prochaine, à 17h. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée sur les ondes de Radio GG et sur le site mrcousin.net. On se retrouve à une prochaine fois. Salut! Radio Gérard, le best-of de Slibar Puant. Ah, on est à l'antenne, là? Ah oui? Putain, mais c'est dingue, on me dit jamais rien, moi. Retrouvez Slibar Puant en tournée dans toute la France en première partie du One Man Show d'Arthur. Radio Gérard, le best-of de Marc Cousin. Ouais, c'est toujours Marc Cousin à l'antenne de Radio GG, et tout de suite on va s'écouter... Ah, pardon, désolé, je dois répondre. Allô? Oui? Allô? Qui est à l'appareil? Allô? Ouais, bon, c'est une erreur, hein, je raccroche. Et tout de suite on va s'écouter... Ouais, encore Marc Cousin pour vous accompagner ce soir sur Radio GG... Ah, désolé, encore le téléphone, hein, c'est la deuxième fois, excusez-moi. Allô? Oui, ça fait deux fois que vous trouvez le numéro là, hein. Oui, qui est à l'appareil? Vous commencez à me fatiguer, hein. Raccroche. Bon, désolé, hein, ça fait deux fois, mais ça n'arrivera plus. Et tout de suite, on va s'écouter suite et fin de l'émission avec Marc. C'est pas vrai. Quoi? Non mais ça commence à bien faire là, hein, vos erreurs de numéro, hein, vos petits canulaires. Ouais, bah bande de petits malins, moi j'ai votre numéro qui s'affiche là. Ouais, c'est ça, rigolez bien. Ouais, bah, je suis désolé, hein, pour toutes ces interruptions, hein, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté. Je raccroche mon téléphone, là, comme ça, ça n'arrivera plus. Et pour finir, on va s'écouter. Le best-of, Radio Gérard. Jean-Luc. Allez, on y va là. C'est pété. Tranquillement. À mon avis, c'est 50-50. Hein. Dans le cas. D'accord. Et il y a Blue Cool qui voulait savoir si tu te laisserais sucer par une boulimique. Non. Si quelqu'un regarde. Non plus. Remix de Molls sur l'internet, je refuse de poser ces questions. Juste pour que ce soit clair, du genre, depuis que Gérard s'est fait enlever son kyste, et est-ce qu'on peut dire qu'il a été dépustulé? Il n'y a pas la place dans cette émission pour des jeunes d'autres pauvres aussi. Exactement. Non, mais là, il n'y a même pas question de poser des questions. J'ai l'impression que t'as oublié d'être con ce soir. J'ai des débats comme Michael Myers, voilà. Et tout à l'heure, je vais connaître ta soeur, tu vas aller sucer une bite, d'accord? Tu me les rembourseras, tu te démerdes, tu paieras jusqu'au bout de ta vie, ta voiture, je la veux. Et tu travailles? Oui, excuse-moi, j'étais en train de me branler. Il cherche à se reproduire. Bon, Noémie! Je disais, tu me manques trop, quoi, la bonne époque quand je te suçais, quand je te bouffais le cul, GG. Ouais, c'est ça, alors. Pour te bouffer le cul, en fait. C'est ça. J'ai envie de câlin, J'ai envie de câlin. Oh, monsieur Michel. Ah, putain, les mecs. Il n'y a pas de putain du moment de travail, d'accord, alors. Il enchaîne les disques comme Charlie Gaz. J'appelle de Boulois, c'est pas mal ça. Ça va, bah, alors bonne nuit, au revoir. C'est ton boucher alors, c'est un ovni. Oui, super geste technique de Gérard, passement de jambes de bois, extrayant du kiste, marquer des pédons dans ma lucarne. Il a arrêté mes coups francs avec ses chicots. Il se plantait des bottes en corner box. Mr. Cousin, happy new year, Mr. Cousin. Je te souhaite le bon année, et toi? Hey, your fatty girl, notamment de la suçage de ton bite. Avec une main qui colle. Monsieur Cousin, bonjour. Non, monsieur Cousin, il est... Il est pas là. Ah bon, c'était pas Gérard Cousin? Ouais, Mister Cousine. Attends, mais c'est du monde de bourgeois, là, con. C'est Sandy City. Salut mon pote, tu veux que je te foute un coup de gland pour te replacer la colonne? Poussa, tu vas voir, si tu manques pas une roue, je te dis au revoir. Ah ben non mon pote. Au revoir. Oublie. Au revoir. Mais oublie, je vais venir te payer à la radio sinon. Au revoir. Ça va être chaud pour moi ce moment. Au revoir. Ah ouais, j'étais en train de retirer là. D'ailleurs, tu vas retirer quelque chose toi. Je vais me retirer ta gonzesse, un bon vieux sanglier. Allez, au revoir. J'ai envie de câlin. Écoutez, cette grosse personne mystère me semble répéter tout le temps la même chose. Ta mère va jumper. Et j'attaque, il va y avoir un gnon gnon. Si tu dans le tuning, attention, t'as grosse, moi j'ai customisé ma voiture. Alors tu vas faire reculer, moi ta tête a terminé. Vogel. Salut Sierra. Salut Michel. C'est moi qui le fais, je crois que c'est un son. Allô. Ferme ma boule, t'as une nez qui s'allume quand on touche la bite. Je te fous un gros pouce. Tu te mets un pouce. Mais un gros pouce. On nous dit qu'il faudrait que tu remettes un fil à ton micro, que ça ce serait plus facile pour aller le récupérer quand tu te le mets dans le cul. Approche ton pourtour anal du combiné. Allô bébé, on va avoir un enfant. Bonsoir à tous les auditeurs qui rêvent, quoi. Radio GG. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Ça y est, c'est bon? C'est fini là? On peut rentrer chez nous, s'il vous plaît?